Chapitre 7e, le collier de la baronne. La soirée que donnait Madame Guttlar, la femme du richissime banquier Guttlar, de Guttlar et compagnie d'Amsterdam, succursale de Paris, dans son splendide hôtel de l'avenue du Bois, obtenait le succès prodigieux qui, chaque année, en faisait un événement parisien. Tout ce qui avait un nom dans les arts, la littérature, la finance, la colonie étrangère, se trouvait réuni dans les salons. Il y eut d'abord spectacle. On donna une revuette écrite spécialement pour cette soirée, dont la jolie Lucette Minois fut la commère. Quelques charmantes danseuses de l'opéra jouèrent une pantomime dont le livret était dû au maître de la maison. Ensuite, on applaudit un drame symbolique du jeune poète Antime Souffret, et une chanteuse de l'opéra comique chanta des poésies de ce même Antime Souffret, mises en musique par la baronne Vancambre, dont on connaissait le talent de compositeur. Peu après le spectacle, le bal commença. Lucette Minois indiquait la présence du comte de la Guérinière, que l'on félicita du succès de la divette. Quant à la baronne, on acclama sa musique, qu'on proclama géniale, magistrale. On n'osa pas dire monumentale, à cause de l'auteur qui eût trouvé une allusion de fort mauvais goût. La baronne s'éventait doucement, coquettement, faisant la modeste. « Oh, moi, disait-elle, je suis là-dedans pour très peu de choses. Ma musique a tout simplement suivi les vers du poète. » Ce n'était d'ailleurs pas un mince mérite, car ces vers, ayant des pieds de toutes dimensions, devaient avoir une marche bizarre. Au demeurant, personne ne comprenait rien dans cette poésie. Antime Souffret se déclarait lui-même un précurseur. On lui donnait sur le nez des coups d'encensoir d'autant plus volontiers que dans un autre salon on pouvait pouffer de rire. Lui, le poète, daignait agréer ses compliments. Une main dans la poche de son gilet, digne, le cou allongé, grave, les longs cheveux rejetés en arrière, les yeux dans le vague, il acceptait les louanges avec cette assurance des gens supérieurs qui ne s'étonnent nullement de voir le genre humain à leurs pieds. Mais quelqu'un portait ombrage à cette gloire poétique et empêchait le soleil de ce génie précurseur, au vert incompréhensible, de briller de toute sa splendeur. C'était un Américain, James Twill, qui demain serait célèbre. James Twill était l'inventeur d'un nouveau système d'aéroplanes qui devait dépasser tous ceux existants déjà. Le banquier Guttlar et le baron Vancambre s'étaient engagés à constituer la société qui lui permettrait de procéder sous peu aux essais, au triomphe de sa machine à voler. Le banquier Guttlar l'avait invité à la soirée pour le présenter à quelques actionnaires. James Twill était un homme un peu coloré de peau, bon vivant, cheveux roux, assez grand, solidement charpenté, un menton volontaire, bien américain, une bouche sérieuse de pince sans rire et des yeux d'une vivacité, d'une pénétration fantastique. Il parlait le français à l'américaine, mais tout de même on arrivait à le comprendre. Voyant tout le monde féliciter Antime Souffret, il ne voulut pas être en arrière et à son tour complimenta le poète sur la grâce des danseuses. Il le prenait pour le dancing manager, le maître de danse. On eut du mal à lui faire comprendre son erreur et à lui expliquer ce que c'était que la poésie. Antime Souffret, quoique très vexé, eut cette aménité de ne pas garder rancune à l'inventeur de la machine à voler qui n'avait rien de commun avec Pégase. Ces Américains, laissa-t-il tomber de ses lèvres dédaigneuses, quel cerveau à mécanique, ils ne seront jamais aptes à la poésie. Quant à la baronne, elle était indignée et ne comprenait pas qu'un homme pût ignorer le génie merveilleux et universellement connu de son poète. La baronne Vancambre, pour faire honneur sans doute aux vers étincelants de son poète, s'était parée de ses bijoux. Elle brillait comme une devanture de la rue de la Paix au moment du jour de l'an. Sur ses épaules, sur sa poitrine large comme une esplanade, autour de l'échancrure basse de son corsage, une rivière s'étalait, semblable à une inondation. Une rivière de diamants. Il y en avait là, disait-on, pour plus d'un million. Au bras, elle portait des bracelets énormes, cerclés de pierres et de diamants, et ses mains étaient chargées de bagues torturées et tarabiscotées que le précurseur avait fait exécuter dans un art d'avenir, sans toutefois les payer. Mais il avait célébré ses bagues dans un poème qui disait à la baronne Pamée « Tes doigts sont des têtes de roi et chacun vaut une couronne. » Discrètement, tout le monde en souriant s'étant donné le mot pour ne pas avoir l'air de le remarquer, la baronne se retira assez tôt du bal. Le poète, naturellement, l'accompagnait, la ramenait. Le baron, lui, était parti depuis longtemps avec une des danseuses. Mais ce ne fut pas chez elle que le poète Antime Souffray conduisit la baronne. Ce ne fut pas chez lui non plus. Il habitait à Montmartre, en haut de la butte, près du moulin de la Galette, un petit logement au 6e, dans une des maisons les plus hautes de Paris. Jamais la baronne n'avait pu y accéder. Ce fut chez un de ses amis, un de ses partisans, un de ses admirateurs les plus fervents, un de ceux qui lui tressaient des couronnes et lui montraient l'emplacement où on élèverait sa statue. Cet ami, le comte de Marnay, possédait une garçonnière avenue MacMahon, un rez-de-chaussée meublé délicieusement à la moderne, comme souhaitait le poète précurseur. Le comte de Marnay invitait souvent le précurseur à déjeuner, même à dîner, pour lui entendre dire de ses vers qu'il adorait. Et il témoignait à son poète, à ce génie, autant d'affection que d'admiration. Il lui passait les louis sans compter. C'était plus qu'un admirateur pour lui, plus qu'un disciple, c'était un frère. Aussi était-il au courant des amours du poète de l'avenir et de la baronne, femme du passé. Et très obligeamment, il mettait à la disposition de ces deux artistes en poésie et en musique géniale son petit rez-de-chaussée. Il avait même engagé le poète à profiter du prétexte du bal du financier Gutelard pour passer avec sa muse une soirée de grand art en tête-à-tête dans sa garçonnière. Ce fut accepté. Le poète avait donc dans sa poche la clé argentée qui ouvrait ce rez-de-chaussée paradisiaque. Il monta dans l'auto de la baronne qui ne se serra pas trop dans le coin pour mieux sentir auprès d'elle son poète. Antime Souffray était naturellement plutôt maigre et pointu, comme doit être tout génie en herbe. Le ventre lui pousserait plus tard, quand il serait de l'académie, s'il daignait y entrer. Mais la baronne était grasse pour deux, très largement, cela compensait. L'auto s'arrêta devant la maison de l'avenue MacMahon, où se trouvait le rez-de-chaussée du comte de Marnay. Le poète précurseur descendit le premier et donna la main pour aider la baronne à se tirer tout entière de la voiture. Comme il allait sonner, devant lui se trouva tout à coup James Twill, l'inventeur de la machine à voler. L'Américain s'étonna de voir ici la baronne et le poète. « Comment ? » s'écria-t-il dans son français américain. « Vous demeurez ici, c'est curieux. Mais moi aussi j'habite dans cette maison, chez un ami. Alors je suis très heureux, car souvent j'ai ce plaisir de vous dire bonjour et j'écoute vos poésies. » Le poète et la baronne se montrèrent quelque peu contrariés de cette rencontre. Mais qu'y faire ? D'ailleurs, la porte s'ouvrait. L'Américain, très poliment, s'effaça pour laisser passer la baronne. Il passa en second, le poète vint en troisième. Le poète, après quelque hésitation, alla pour ouvrir la porte du rez-de-chaussée. Alors il eut la surprise de voir l'Américain, qui était vraiment d'un sans-façon extraordinaire, les suivre encore jusqu'à cette porte. Néanmoins, pour ne pas demeurer dans ce couloir, il ouvrit la porte de la garçonnière. L'Américain, tout en faisant compliment à la baronne sur sa musique, pénétra également dans la garçonnière et, très simplement, étonnant de plus en plus le poète, ferma derrière lui la porte. Mais la baronne ne se formalisait pas trop de ce sans-gêne. Elle dit à son poète « Nous allons lui recommander le silence, lui faire comprendre qu'il ne doit rien dire de tout cela demain, n'en parler à personne. Vous avez raison. » Tous trois se tenaient maintenant dans le petit salon de la garçonnière. Un souper froid se trouvait servi sur une petite table. Le comte de Marnay faisait bien les choses quand il donnait l'hospitalité. L'Américain, continuant d'agir sans aucun souci de la bienséance française, regarda partout dans ce petit salon, jusque sous les meubles, tapa contre les murs, souleva les tentures, puis alla jeter un coup d'œil dans la pièce suivante qui était la chambre à coucher. La clé se trouvant sur la porte de ce côté, il donna un tour de cette clé et la mit dans sa poche. Le poète commençait à trouver que l'Américain exagérait. James Twill revint dans le petit salon. Il aperçut une table à jeu et en ouvrit le tiroir. « Des cartes, » dit-il. « Nous pourrions faire un bridge. Cela vous va-t-il ? » « L'heure n'est pas à ce genre de plaisanterie, » fit observer le précurseur. « Vous avez raison, sœur poète. D'abord les choses sérieuses. En voici une, un revolver. Belle arme. Vous vous y connaissez, en poète, en revolver. » « Je suis ennemi de tout sport, j'ai horreur du muscle, je ne cultive que mon cerveau. »« Très bien, moi j'aime le sport, les armes, les bons revolvers. » Tout en écoutant le poète, L'Américain avait manié le revolver, examiné l'arme, fait jouer la batterie. « Belle arme !» dit-il. « Très belle !» Il le remit en place et ferma le tiroir de la petite table. Le poète s'énervait de ce sans-gêne. « Mon cher monsieur James Twill, dit-il spirituellement, l'habitude de vivre à de grandes hauteurs ne doit pas vous mettre au-dessus des convenances. « Yes, yes !» fit l'Américain s'asseyant dans un fauteuil et allumant un cigare. « Vous êtes dans le raison. Vous êtes étonnant. Pas encore tout à fait. Croyez-vous, maintenant, ça va commencer. » Il fit un signe à la baronne, lui désignant le collier. « Donnez-moi ça. » La baronne ne comprenait pas ou semblait ne pas comprendre ce que demandait ainsi l'Américain. Elle tourna vers Antime Souffray son regard inquiet. Le précurseur crut devoir intervenir. « Que voulez-vous dire ? » demanda le poète. « Le collier. Eh bien, il est très beau. Sans doute, mais je voudrais l'examiner de plus près. Cela ne se fait pas. »« Défaites alors, » fit l'Américain, riant de ce qu'il pensait sans doute être un jeu de mots. « Défaites-le, madame. Sœur poète, aidez madame à enlever son collier. » Le poète s'écria avec un grand geste. « Ah, monsieur, la patience a des bornes. » « Oui, surtout quand on est pressé, et je suis pressé. »« En voilà assez. Veuillez vous retirer tout de suite. »« Je ne demande pas mieux. » »« Alors défait tout de suite le collier de madame. » Le poète voulait montrer à la baronne affolée qu'il n'était pas seulement un précurseur, mais qu'il gardait aussi les traditions de l'ancienne chevalerie. Il étendit le bras et du doigt allongé désigna l'Américain à la porte. James Twill fit le même geste, mais sa main s'étendit dans la direction du crâne chevelu du poète et dans cette main il y avait un revolver. « Comprenez-vous maintenant ? » dit-il au poète. « Le collier, vite, je vous prie !» La baronne poussa un cri de terreur. « Un voleur, c'est un voleur !»« Madame, pas de ces cris !» fit l'Américain. « C'est inutile. Ne perdons pas de temps à bavarder. Je me trouve dans le regret de vous contrarier. Mais votre collier me plaît infiniment et je suis un peu pressé. Vite !» Le précurseur maintenant tremblait de tous ses membres. Il avait horreur des armes à feu. Il essaya cependant de protester. « Mais c'est une infamie ! Mais c'est une lâcheté ! » répétait-il. « Mais c'est un vol ! Un vol ! Yes, yes ! Je sais aussi bien que vous ce que c'est. »« Mais voyons, monsieur, vous ne pouvez pas, » dit la baronne, « vous ne pouvez pas me voler comme ça. »« Pardon, pardon, le vol, ça me connaît. Je suis l'inventeur d'une machine à voler. Je vole de toute façon et très bien, vous voyez. » D'ailleurs, un des fondateurs de ma société, un des plus chauds partisans de mes talents, c'est le baron Van Cambre, votre mari. « Mais monsieur, » essaya de dire Antime Souffray. L'Américain braqua froidement son revolver sur le poète. « Vous, silence, ou d'une balle je fais envoler tous les poèmes qui nichent dans vos cheveux. » La baronne, maintenant épouvantée, dégagea son collier et le jeta sur la table devant l'Américain. « Merci. » lui dit celui-ci. « Maintenant, les bracelets, les bagues. »« Tout, donc ? Vos charmes se passeront de ces vains ornements. » La baronne s'exécuta. Elle se dépouilla de ses bracelets, de ses bagues et de tout ce qui avait de la valeur comme bijoux. James Twill ramassa le tout et le glissa pêle-mêle dans sa poche. Puis, se levant, il salua. Il allait se retirer quand on entendit la porte d'entrée s'ouvrir et quelqu'un pénétrer dans la garçonnière. La baronne et le poète anxieux tremblèrent de plus belle. « Ça, c'est peut-être un voleur, » fit l'Américain froidement, mais il ajouta. « Ou c'est le baron qui vous surprend ?» Alors il sourit. « Si c'est lui, vous direz que vous êtes chez moi, ça sauve tout. » Et vivement. « Tenez, remettez votre collier, qu'il ne s'aperçoive de rien. » Lui-même alla l'agrafer au cou de la baronne et il étala sur sa gorge la rivière de diamants. On frappa doucement à la porte. « Ouvrez, » dit l'Américain en Antime Souffray. « Ouvrez, n'ayez pas peur, je suis là. » Plus mort que vif, le poète alla ouvrir. L'Américain courut se placer du côté du battant de la porte, de sorte qu'en l'ouvrant, on ne pouvait l'apercevoir. Un homme parut, en habit de soirée, très élégant. Quand il fut dans le salon, comme il saluait poliment la baronne, James Twill, d'un coup de pied, repoussa la porte. L'homme, surpris par le bruit, se retourna vivement. Il vit devant ses yeux les canons de deux revolvers que l'Américain braquait sur lui. Il recula, stupéfait, effrayé. « Oh les mains !» lui cria l'Américain. « Oh les mains !» Il ajouta froidement. « Pas un signal, pas un cri ou je vous tue !» L'homme se trouvait pris. Il n'avait qu'à obéir.